dès 6-9 mois, les bébés connaissent un petit peu quelques mots. Le robot dans 20 ans, je m'appelle Peter. Je l'imagine descendre les poubelles. Je m'en charge volontiers. On est capable de diagnostiquer, de mieux traiter, dans quelques cas, avec l'ADN. L'espoir, finalement, c'est de réenchanter notre rapport au cosmos, à la nature et à la vie. Aujourd'hui, les promesses de l'informatique. Avec l'extraordinaire puissance de l'informatique, nous sommes dans le futur que nous imaginions il y a quelques années. Nous sommes dans le monde de demain. Les données associées au calcul permettent de faire des choses qui sont impossibles avec les moyens traditionnels. Et l'expansion de l'informatique ne fait que commencer. Gérard Berry est un pionnier. Le sujet lui colle à la peau depuis près de 50 ans. En 2014, Gérard Berry a reçu la médaille d'or du CNRS, la plus prestigieuse récompense scientifique française. Cet informaticien était jusqu'en janvier dernier titulaire d'une chaire au Collège de France et il est membre de l'Académie des sciences. Gérard Berry est l'auteur de « L'hyperpuissance de l'informatique ». Le livre est paru chez Odile Jacob. L'expansion de l'informatique ne fait que commencer. Pour Gérard Berry, cette science nouvelle doit nous amener à penser autrement. Les aventuriers sur France Inter. Oui, avec l'informatique, il faut penser différemment de la façon dont on pensait, je dirais, dans les siècles précédents. Pour une raison assez simple, c'est que l'informatique manipule l'information, qui est quelque chose de complètement différent de ce dont on a l'habitude. Les trois choses dont on a l'habitude, c'est la matière qui se sent, l'énergie qu'on sent aussi quand on monte à vélo ou à pied dans une côte ou qu'on descend, et puis les ondes, les vagues, la radio, la télé, etc. Et tout ça, c'est assez sensible. C'est des choses qu'on voit avec les yeux, qu'on sent, etc. L'information, c'est pas du tout pareil. Et l'information, ça n'a pas de poids, ça n'a pas de mesure simple. Par exemple, quand vous savez quelque chose, après cette émission, vous n'allez pas peser plus lourd qu'avant, même si vous avez appris des choses. Donc l'informatique, ça se manipule absolument pas pareil. Ça va avec l'algorithme, donc qui est la façon de calculer sur l'informatique. Donc l'algorithme, ce sont des mathématiques. L'algorithme, c'est né dans les mathématiques. Le nom algorithme vient du savant Al-Khwarizmi, dont personne ne connaît le nom pratiquement, enfin un peu maintenant, alors qu'il nous a apporté quelques petites choses comme l'algèbre. Au XIIe siècle. Au XIIe siècle. Le mot algorithme est attesté en 1215 comme latinisation du nom de Al-Khwarizmi. Et il nous a appris aussi, c'est lui qui nous a appris la fameuse formule pour résoudre les équations du second degré qu'on apprend à l'école sans jamais prononcer son nom. Donc, pas d'informatique sans algorithme. L'algorithme, c'est l'aspect conceptuel de l'informatique. Il y a l'information qui est aussi un aspect conceptuel, mais les données, il vaut mieux parler de données, c'est-à-dire des choses qui sont écrites avec des nombres ou des caractères. Le fait que ce soit des 0 et des 1 est important, mais quelque part secondaire pour aujourd'hui. Les données et les algorithmes, oui. Mais il y a aussi deux autres composants qui sont les programmes et les machines. Donc les machines, on a une invention complètement extraordinaire qui est la machine universelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre deux ordinateurs, que ce soit un giga-ordinateur qui fait la météo, ou bien celui qui conduit une machine à laver. C'est exactement la même machine. Il y a juste le prix et la puissance de calcul qui ne sont pas les mêmes. Toutes les machines sont complètement identiques, quelque part. Vous dites que l'expansion de l'informatique ne fait que commencer, c'est-à-dire que... ça va devenir de plus en plus présent dans nos vies. Alors, ça va devenir de plus en plus présent partout dans nos vies, mais beaucoup à des endroits qu'on voit pas. En ce moment, on parle surtout de l'informatique qu'on voit. On parle surtout des réseaux sociaux, d'Internet, donc tout ce qui est lié directement aux hommes. Mais on ignore beaucoup que dans nos voitures, il y a déjà 100 millions de lignes de programme et qui peuvent faire des choses très utiles et pas du tout ce qu'on raconte. Par exemple, savoir bien freiner, savoir réduire la consommation du moteur, c'est profondément de l'informatique. Les moteurs eux-mêmes sont conçus en informatique. Donc il y a tout un pan de l'informatique qui est énorme et dont les gens connaissent pas l'existence en général. C'est allé très vite parce que beaucoup n'y croyaient pas. Oui, en France, on n'y a pas cru. Aux États-Unis, on y a cru. Silicon Valley y a cru, il n'y a aucun problème. En Asie aussi, en Inde, on a cru depuis le début. L'informatique est majeure en Inde depuis tout le temps. En Corée, on y a cru. Au Japon, on y a cru. En Europe, pas vraiment. Bon, ceci dit, maintenant, tout le monde y croit. Les premiers ordinateurs, fin des années 50 ? premiers ordinateurs, fin des années 50, justement sur le principe de la machine universelle, inventée par Turing en 1936. C'est là qu'on peut dater la création de l'informatique, c'est 1936. Il y a eu des précurseurs, mais là, tout est venu d'un coup, quoi. Toutes les idées. 1947, les premiers ordinateurs. 1953 ou 5, les premiers ordinateurs commerciaux un peu à grande échelle. Le président d'IBM disant, il y en aura besoin de 5 pour couvrir le besoin du monde en l'an 2000. 15 mai 1957, émission Paris vous parle, reportage de Georges Bortoli. Nepper avait consacré 30 années de sa vie à établir une table de logarithmes. Avec l'ordinateur 704, il aurait mis 12 secondes. J'ai sous les yeux le vaste local qu'occupe l'énorme machine qu'est l'ordinateur 704. Vous entendez d'ailleurs probablement le bruit que font ces appareils, et le bruit assez considérable. Je voudrais vous demander de nous donner les caractéristiques essentielles de l'ordinateur 704. L'ordinateur occupe une salle de 300 mètres carrés. Son poids total est de 21 tonnes, elle est composée de 23 unités. Sa capacité est énorme puisqu'elle peut mémoriser 200 millions de chiffres binaires. Et sa vitesse d'opération est telle que 42 000 opérations arithmétiques à la seconde sont possibles. Je crois que des machines de cette sorte sont déjà fabriquées en France. Oui, c'est exact. Nous avons déjà plus d'une dizaine de machines du type 650 et notre carnet de commandes est actuellement complet jusqu'en 1958. Alors, ça vous épate ? Ben non, c'était les débuts, c'était rigolo. Les technologies physiques n'étaient pas disponibles. On parle de 21 tonnes. Maintenant, ça fait beaucoup moins de 21 milligrammes, un ordinateur. Et puis, on parle de 100 millions de données. 100 millions de données, c'est pas beaucoup de photos. Alors, il y a des gens qui croyaient peu à ce qu'on vit aujourd'hui. Le PDG de Digital Equipment disait « Un particulier n'a aucune raison d'avoir un ordinateur chez lui ». C'est exact. Digital Equipment avait déjà assez largement battu IBM, qui faisait que des grosses machines, et eux faisaient des machines moyennes. Et quand les PC sont arrivés, qui ont tué Digital Equipment très très vite, les gens de Digital Equipment étaient persuadés d'être les meilleurs du monde. Pas de chance, donc ils ont disparu très très vite. Parce que simplement, il y a les ordinateurs chez soi et Internet, qui a vraiment tout changé. Ben oui, c'était un changement totalement massif. Mais il est très rare qu'une société accepte de changer massivement. Il n'y a pas beaucoup de gens qui faisaient des locomotives à vapeur qui sont passés à l'électricité. Même Bill Gates, il n'y a pas si longtemps, disait « le spam sera sous contrôle d'ici 2 ans ». Oui, le spam, malheureusement, n'est pas sous contrôle du tout, ça ne s'arrange pas. Et il y a des idées qui pourraient le mettre sous contrôle, mais elles sont largement refusées, comme de faire payer une très modique somme pour un courrier électronique. Quand on en envoie un, on ne s'en aperçoit pas, mais quand on en envoie 100 millions, là, ça commence à faire. Et puis en 2007, quand l'iPhone est sorti, quelqu'un a dit « cet objet n'a pas d'avenir industriel ». Oui, le PDG de Microsoft, oui, oui. Qui n'est plus le même d'ailleurs. Oui, c'était une des grandes phrases de l'histoire de l'informatique. Donc c'est difficile de se projeter dans l'avenir. Ben ça dépend. Pas pour ceux qui construisent l'avenir. Pour ceux qui essayent de s'appuyer sur leur passé, oui. À propos de concept, vous dites qu'il est bien plus important aujourd'hui de posséder l'information que de posséder des objets physiques. Alors ça dépend il faut posséder les deux. C'est-à-dire, il y a beaucoup de domaines où on voit des industries devenir gigantesques en un rien de temps parce qu'elles possèdent l'information et pas la physique. Si on prend par exemple l'hôtellerie, Booking, Airbnb, qui posent des sacrés problèmes maintenant. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Booking est le roi de l'hôtellerie, il ne possède aucun hôtel. Il fait très attention à ne pas posséder la matière, mais seulement l'information de qui veut aller où et quand, et éventuellement pourquoi, pour comprendre le comportement des gens. Donc Booking, sa devise, c'est un pour tous pour un, mais 15%. Mmh. Ou 18, hein, ça dépend des hôtels. Et ce qu'il a, c'est vraiment l'information de qui veut aller où quand. Et les hôtels, eux, ont la pierre qu'il faut entretenir, etc. C'est beaucoup moins simple. Et Booking étudie aussi à très grande échelle le comportement des gens. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça veut dire que non seulement Booking est payé par les hôtels, mais en plus, c'est vous qui le faites marcher pour un salaire de zéro. Mais ah oui. Il est gratuit, c'est du faux gratuit, comme d'habitude. Du faux gratuit, et l'idée est bonne quand même au Mais départ. Mais l'idée est excellente, et la valeur ajoutée est considérable par rapport à avant. Qu'est-ce que ça change dans nos vies encore, le numérique? On fait plus de prototypes, on modélise beaucoup les objets, les voitures, les avions. Alors tout est prototypé sur ordinateur, effectivement, sur logiciel de CAO 3D par exemple, tous les moteurs, tous les immeubles, tout est construit maintenant. Non pas avec des maquettes physiques, mais ça n'empêche pas, hein, les maquettes physiques, par exemple en architecture, sont très parlantes aussi. Ça ne condamne pas le passé, l'informatique, pas du tout, ça fournit d'autres leviers. Donc tout est effectivement conçu à base d'informatique et commandé par de l'informatique. Par exemple, le très bon exemple, c'est le freinage de la voiture. Mmh. Pour bien freiner une voiture, il faut freiner chaque roue indépendamment des quatre autres. Des trois autres, pardon. Et ben, avec les pieds, c'est un peu dur, hein. Il faudrait quatre pédales et beaucoup d'art pour savoir faire ça. Avec un ordinateur, on peut être très très parfait sur ce genre de questions. Mais c'est pas vrai pour tout. Attention. Ne pas confondre. On n'arrête pas de raconter que parce que certaines choses sont faisables et faciles, d'autres sont faisables et faciles. Ça, c'est absolument pas vrai. Un exemple? Un exemple, il a fallu extrêmement longtemps pour comprendre comment traduire des langues et la façon dont on fait à l'heure actuelle par de l'apprentissage profond est complètement différente des façons qu'on essayait avant. Et elle marche bien, mais d'une façon étonnante parce que le système de traduction ne comprend rien à ce qui est marqué. C'était une grosse surprise. Donc il y a beaucoup de surprises en informatique. Quand vous dites il y a beaucoup de surprises, vous pensez à quoi d'autre ? Ben, le moteur de recherche a été une énorme surprise. Je pense qu'on a tous oublié comment on vivait avant le moteur de recherche. Ce qui a vraiment changé, c'est le moteur de recherche universel, le moteur de recherche qui travaille sur la Terre entière. Alors c'est ça, c'est encore une fois l'universalité. Internet contient à peu près 100 milliards de pages, pas l'Internet, pardon, le web, qui est une partie d'Internet, la toile, contient à peu près 100 milliards de pages. Et ces 100 milliards de pages, on peut chercher dedans extraordinairement rapidement. Alors attention, c'est pas naïf. Hein. Si vous essayez de comprendre comment c'est fait, ça, il va falloir réfléchir un grand coup. Hein. Comment on fait pour avoir 100 milliards de pages et répondre à une question mal formulée par une réponse qui est pas idiote, hein, en disant qu'il y a 2 500 000 pages qui correspondent et que voilà les 10 plus intéressantes. Hein. Ça, c'est de l'informatique sérieuse. C'est difficile. Ça a fait la création, c'est la thèse de Larry Page. Enfin, d'abord, ça a été co-créé par un Français, un Américain, et Louis Monnier, Alta Vista, et ensuite Google a été créé par Larry Page et Sergey Brin, deux étudiants de Stanford, qui ont abandonné leurs études pour créer cette petite société. Gérard Berry, vous avez consacré toute votre vie à l'informatique. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce domaine ? Alors, ce qui me plaisait, c'était le côté aventurier, justement. Quand j'ai commencé, on ne savait pas grand-chose, mais on savait que ça allait être fantastique. On savait ça. Et dans les années 60, vous imaginiez que ça irait aussi vite ? J'imaginais que ça irait aussi vite. Par exemple, moi j'ai travaillé beaucoup sur les systèmes embarqués, c'est-à-dire l'informatique à l'intérieur des objets. On a fait des découvertes importantes dans les années 80 là-dessus, beaucoup en France d'ailleurs, qui est quand même un grand leader mondial là-dessus. Et on savait très bien, je savais très bien en 1982 que c'était condamné, que tous les objets, les avions, les voitures, tout ça serait plein d'informatique. Parce que c'est tellement plus simple et tellement plus puissant que de faire de la physique. Mais c'est dur. C'est dur, c'est-à-dire faire de l'informatique qui marche pas, il n'y a rien de plus facile. Hein. Faire de l'informatique qui marche, et ça tout le monde le sait, tout le monde en a vu de l'informatique qui marche pas. Faire de l'informatique qui marche, c'est pas les mêmes méthodes, mais on sait faire aussi. 25 janvier 1963, télévision française. Si vous disposez de quelques fortunes, vous pouvez en acquérir une. Petite comme celle-ci, pour quelques dizaines de millions. Ou moyenne comme celle-là, pour quelques centaines de millions. Ou plus complexe encore, pour quelques milliards. Elles portent tout un nom de baptême correspondant à leur caractère. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ? À peu près tout. D'ailleurs, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Bon, eh bien, je vous présente Antinéa. Comment communique-t-on avec elle ? On communique avec elle par le moyen de soit de rubans perforés, soit par cette machine imprimante sur laquelle on peut frapper des caractères qui rentrent dans la machine. Si je vous demande 324 que multiplie 27. 324 que multiplie 27. Donc ça, elle sait faire ça facilement. First of all, find finding words to express my feelings. It's almost impossible to do when it comes down to talking about you. You're more valuable than gold, girl, than anything else in this world. And I'm so proud to say you're my girl. You're what's needed in my life, girl. You're what's needed in my life, girl. You're what's needed in my life, girl. You're what's needed in my life, girl. Now I've been blessed, but not only just me. So many people that have met you, I'm sure they will agree. You're so considerate of others, so heavenly. You're everything you need. So what's needed? Could I go home if I wake up and find you gone? I don't know what I'll do, but I'm so happy at this moment I got you. And I'm gonna tell you one more time. Needed in my life, tu es ce dont j'ai besoin. C'était Lee Fields and the Expressions. Les aventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. Des milliers d'ordinateurs sont enfouis dans nos objets du quotidien. Ils ont permis le développement des téléphones portables. Des milliers d'applications faciles à développer changent déjà nos vies. Internet et le web ont complètement modifié le paysage mondial. Pour Gérard Berry, ce n'est qu'un début. Il est convaincu que d'ici peu de temps, la 5G va bouleverser notre quotidien. Le smartphone, il y a un dessin de Gay-Luc, Philippe Gay-Luc, que j'adore, où il montre le chat devant un gros paquet d'objets, une radio, un tourne-disque, un appareil photo, une caméra vidéo et tout, et il dit, mais c'est incroyable, ils ont réussi à mettre ça dans une toute petite boîte. Mmh. Et c'est ça le téléphone portable. Alors les gens disaient c'est le couteau suisse, mais c'est pas du tout vrai. Le couteau suisse, c'est un instrument qui est pas très bon. Il est un peu moyen partout. Il est bien parce qu'il fait un peu tout, mais mal. Le téléphone fait tout très très bien. Que ce soit comme appareil photo, comme caméra vidéo, comme téléphone, ou comme bloc-notes, ou comme accès à Internet, à Wikipédia et tout ça. Il est très très bon. Il est très bon aujourd'hui, mais voilà comment ça a commencé. 19 novembre 1990. Le téléphone mobile Pointel. Pouvoir téléphoner de sa voiture ou sur sa moto est encore en France un luxe et un privilège. Un luxe à cause du prix à payer. 15 à 20 000 francs pour l'achat de l'appareil et 300 francs mensuels en moyenne pour l'abonnement. Un privilège aussi, puisque les deux réseaux actuels desservent 270 000 abonnés environ, mais seront bientôt saturés. La pénurie des téléphones mobiles va trouver deux solutions dans les années qui viennent. La première est un nouveau réseau, GSM, réseau numérique et européen. La deuxième solution, elle tient dans ma poche et elle s'appelle Pointel. Cette antenne vous met en relation avec une borne. Il y en aura plusieurs centaines dispersées dans la ville. Et grâce à cela, vous pourrez, vous, appeler un correspondant n'importe où dans le monde et lui parler. En revanche, lui ne pourra pas vous appeler. Ce système coûtera énormément moins cher que les systèmes actuels et il devrait marquer la démocratisation des téléphones mobiles. Ce sera le phénomène des années 90. C'était il y a même pas 30 ans. Oui, oui. Qu'est-ce que ça suggère chez vous ? Bah, ça suggère que quand le GSM est arrivé, les gens comprenaient pas trop ce que c'était en Europe. C'était pas très très bien vu d'avoir un téléphone portable au début. Et les gens avaient pas réalisé que ça supprimait la notion d'espace. C'est-à-dire que moi je donne toujours ce que j'appelle les inversions mentales, c'est le monde est à l'envers d'avant. Par exemple, quand je téléphonais à une copine, je savais, la seule chose que je savais, c'est qu'elle était pas chez elle. Et oui, parce que ça répondait pas. Mm-hmm. Maintenant, quand je lui téléphone, la seule chose que je lui demande, c'était où. Mm-hmm. Donc, ça a mis, encore une fois, le monde à l'envers. Et c'est un exemple absolument typique. Alors, est-ce que ces téléphones mobiles, aujourd'hui, sont parfaits? Ben, les téléphones mobiles sont pas parfaits, ça veut rien dire. Les utilisateurs sont loin d'être parfaits. J'en ai marre d'entendre les gens appeler au téléphone dans le train, même si on leur dit qu'il faut pas faire ça de son siège, etc. Dans le bus, c'est l'enfer. Donc, les gens ne sont pas parfaits avec le téléphone. Mais le téléphone dites... lui-même, il est pas mal, ouais. C'est un objet gigantesque, hein. Faut savoir qu'un circuit d'iPhone, maintenant, ça a 9 milliards de transistors. C'est considérable. C'est par rapport au premier ordinateur dont on parlait tout à l'heure, c'est des millions de fois plus. Donc ce sont des objets très professionnels qui ont encore des problèmes d'énergie. Il faut les recharger trop souvent, etc. Mais les prochaines générations de téléphonie mobile s'intéresseront beaucoup moins aux hommes. Ça, c'est des trucs qu'on ne sait pas. La fameuse 5G. La 5G, c'est fait pour les objets, surtout. Pour nous aussi, bien sûr, ce sera beaucoup plus rapide. Mais l'idée de la 5G, c'est de connecter des objets entre eux. Et des objets pour pouvoir mieux les comprendre, les contrôler, etc. Donc on va connecter son frigo, sa porte d'entrée. Je suis pas sûr que je connecterai ma porte d'entrée parce qu'il y a la sécurité informatique qui est un gros problème. Non, mais par exemple énormément d'objets comme les voitures, les choses comme ça qui ont besoin d'être connectés. Par exemple, on peut réduire énormément les accidents en voiture, ça c'est certain. Pas seulement par les automatismes, mais par la connexion entre. Il n'y a pas de raison que deux voitures ne s'aperçoivent pas elles-mêmes qu'elles vont se rentrer dedans. Hein, et il y a déjà des systèmes comme ça, mais on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'on va faire encore, allez-y. Ben, le frigo, on en parle beaucoup, mais c'est intéressant en Amérique parce que les gens bouffent dans le frigo. En France, on bouffe à table. On mange à table. Ça surprend beaucoup les Américains qu'on mange à table. Mais on mange à table tous les jours. Mais eux, ils vont se servir dans le frigo. Donc, ils aimeraient bien que le frigo fasse les courses pour eux. En France, je ne crois pas du tout à ça. Parce que les façons de faire sont très, très différentes. Non, mais par exemple, les gestions du chauffage, les gestions des immeubles, la gestion énergétique des immeubles, on fera beaucoup d'économies d'énergie en comprenant ce qui se passe dans les échanges de température à l'intérieur des immeubles. Et les immeubles sont maintenant équipés de capteurs à très grande échelle. Les villes le seront. Il y a des obstacles. Hein. La sécurité informatique est un obstacle très sérieux parce qu'il ne faut pas que ça puisse être pris le contrôle par l'extérieur. On ne sait pas encore trop faire ça. Mmh. Moi, quand je fais du vélo, je suis assez content. Comme je suis plus jeune, je suis assez content que ma femme puisse savoir si je suis tombé où je suis. C'est pas idiot, mais j'ai pas tellement envie que d'autres gens sachent où je suis en permanence. Donc il faut régler tout ça très soigneusement. Si on revient au web, on utilise beaucoup Internet pour écouter de la musique, regarder des films, voire lire des livres. Et on a l'impression que le tuyau n'est pas assez gros, n'est plus assez gros. Est-ce que ça va changer? Oui, ça va changer, surtout quand on habite à la campagne comme moi. Moi, j'avais un tuyau petit chez moi, même des fois minuscule ou en panne. Et par le téléphone maintenant, par exemple, je me connecte à Internet par le 4G fixe. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas disponible depuis très longtemps, qui marche pas mal. Mais par le 5G, pour les zones comme ça, on aura la même chose que pour la fibre. Donc, il y a un très gros investissement mondial sur les tuyaux. effectivement. Et effectivement, c'est la vidéo qui domine Internet, hein, c'est plus de 80% du trafic. Eh ben, c'est logique. Pourquoi est-ce qu'on avait des disques pour mettre de la musique ou de la vidéo alors que ce n'est jamais que de l'information ? Un livre, ça n'est que de l'information, mais c'est aussi un bel objet. Un vinyle, c'est un assez bel objet. Un compact disque, ça n'a jamais passionné tellement les gens. Donc, on oublie très bien les compact disques et les DVD. Donc, c'est de l'information précieuse. Les films, par exemple, c'est de l'information précieuse. Donc, c'est pour ça que ça sature Internet, parce que les gens les regardent beaucoup. Vous avez sûrement reconnu Daft Punk, Around the World. Les aventuriers sur France Inter. Gérard Berry pratique depuis plus de 50 ans l'art de la programmation informatique. Avec d'autres chercheurs de l'INRIA, du CNRS et de l'École des Mines, il a développé le langage STRL qui a tout de suite trouvé des débouchés dans le monde industriel, notamment chez les avionneurs. Le sujet qui lui tient vraiment à cœur aujourd'hui, les bugs et la sécurité informatique. Il y a quand même deux choses à regarder de très près qui sont la sûreté et la sécurité. La sûreté, c'est faire que les choses marchent comme elles doivent marcher. C'est des choses qu'on voit dans des problèmes dans les voitures, des problèmes de sûreté ou très récemment dans les avions, mais c'est un cas un peu isolé parce que les avions c'est plutôt vraiment extrêmement fiable de manière générale. Donc la sûreté c'est que ça marche bien. On n'y est pas tout à fait dans beaucoup de domaines. On sait faire si on veut des choses qui marchent beaucoup mieux avec des méthodes de certification un peu sérieuses qui sont pas forcément employées par exemple en médical, en automobile. Donc ça on peut contrôler mieux. La sécurité c'est un autre problème. La sécurité, il y a deux domaines assez différents. Il y a les attaques contre les systèmes et les attaques contre les données. J'irais dans les journaux, on ne parle que des attaques contre les données. C'est-à-dire voler vos données. Oui, c'est très important. Attaquer les systèmes, c'est encore plus grave. Alors, expliquez-nous les différences. Alors, ben les systèmes, c'est par exemple des choses que vous voyez pas, c'est les villes, les hôpitaux, les systèmes énergétiques. Radio France, mais par exemple, les hôpitaux anglais se sont fait massivement attaquer par un virus qui s'appelle WannaCry, il y a 3 ans, je crois, ou 2 ans. Et les hôpitaux ne marchaient plus rien ne marchait dans les hôpitaux. On a vu aussi l'Ukraine se faire attaquer et se faire descendre, je crois, 1/8 de son circuit électrique pendant 12 heures par une attaque informatique. Donc les cyberattaques informatiques sont extraordinairement puissantes et dangereuses. Est-ce que c'est facile d'attaquer un système ? C'est pas très difficile parce que les systèmes ont été faits souvent, comme on dit, à l'arrache. C'est-à-dire avec beaucoup d'endroits fragiles. Et c'est le système informatique, ça a une vertu comme un ballon de baudruche. Un petit trou, ça suffit pour le vider. Ce que font les attaquants, c'est qu'ils repèrent une toute petite faille dans un logiciel et ils s'en servent pour rentrer partout. Parce que ces failles viennent du fait que des tas de logiciels, pour aller plus vite, n'ont pas mis les tests qu'il fallait pour être sûr qu'ils font pas des bêtises. Par exemple, d'écrire dans la mémoire dans un endroit où on n'a pas voulu écrire, où on ne doit pas écrire. Ça, c'est une des portes d'entrée majeures. Un logiciel qui est écrit dans des endroits où il n'a pas normalement le droit d'écrire, c'est très très fréquent. Et si vous lisez, quand vous recevez une nouvelle version de votre système d'exploitation, il y a toujours un lien sur les correctifs de sécurité. Vous les regardez, ils sont tous pareils. Ça s'appelle corruption mémoire, permettant de prendre le pouvoir sur votre machine. Ça veut dire que la mémoire a pas été, le programme ne fait pas ce qu'il faut, ça a pas été testé correctement. Donc c'est au départ une erreur humaine. Toujours. Les bugs informatiques ne sont jamais que des erreurs humaines. Une machine ne fait pratiquement jamais d'erreur. C'est-à-dire le taux d'erreur d'un ordinateur est extraordinairement faible. Et donc ce sont les hommes qui font les erreurs qu'ils payent après. Alors comment rendre ces ordinateurs, ces machines et ces systèmes plus fiables ? Alors en ce moment, il y a des grandes actions. D'abord, énormément de chercheurs prennent la position d'attaquant, mais sans détruire les systèmes, pour trouver leurs failles. Et donc ça, c'est une activité à très grande échelle sur le monde et qui est très bien documentée. Sur Internet, on trouve tout ce qu'on veut là-dessus. Et c'est très subtil. Et les chercheurs sont aussi bons que les attaquants. Donc les chercheurs travaillent là-dessus. Et on travaille aussi sur des méthodes permettant d'améliorer mathématiquement, les algorithmes pour qu'ils aient moins de failles. Mais c'est vrai qu'on est peut-être un peu trop négligent, on utilise des systèmes d'exploitation un peu vieux. Par exemple, Windows XP, qui était utilisé par les hôpitaux anglais, est un système dont Microsoft, son auteur, dit qu'il faut absolument plus l'utiliser, le dit depuis 10 ans. Et ça fait beaucoup plus de 10 ans que les gens sont prévenus. Donc, j'avais eu dans le journal Les Échos, il y avait eu un article où j'écris des petites chroniques. Il y avait eu un article qui s'appelait NotPetya ou WannaCry fait 300 000 victimes, un virus. Et moi j'ai répondu non, il faut appeler ça des autruches parce qu'ils étaient prévenus, les victimes étaient prévenues, mais elles gardaient la tête dans le sable. 14 décembre 1970. Journal d'Antenne 2. Le remboursement des frais de maladie en 4 jours, c'est le cadeau de la Caisse de Sécurité Sociale de la région parisienne à ses 5 millions d'assurés pour son 25e anniversaire. Lundi, votre dossier est dépouillé et contrôlé dans l'un des 200 centres de la caisse primaire. Mardi matin, à la mécanographie, les éléments de votre feuille de maladie sont mis sur bande perforée. Mardi soir, centre électronique rue de l'Ourcq à Paris. L'ordinateur entre en action. Toutes les informations des bandes perforées sont transcrites sur bande magnétique. Mercredi matin, après programmation, la mémoire centrale calcule le montant de vos prestations. Le reste se fait dans l'après-midi. Une machine reliée à l'ordinateur imprime directement votre mandat. Une autre le découpe, une dernière enfin le met dans votre enveloppe qui partira le soir même à la poste avec 120 000 autres. Voilà, et les assurés se demandaient si leurs données resteraient sûres, déjà en 1970. À l'époque, c'était beaucoup plus facile parce que l'ordinateur, il était connecté à rien. Maintenant, tout est connecté. Donc, on est connecté par ce grand réseau qui s'appelle Internet. Et Internet est quelque chose dans lequel n'importe qui peut agir. Et donc, alors on fait de la cryptographie, on fait des protocoles spéciaux pour transmettre des... Mais c'est, par exemple, HTTPS que tout le monde connaît, mais ce ne sont pas des objets parfaits. Et HTTPS a encore des failles, il peut être attaqué, et donc il faut faire extrêmement attention. Par exemple, je suis sûr que chez les auditeurs, il y a beaucoup de gens qui ont des mots de passe qui sont dans le dictionnaire ou qui sont des dates de naissance. Ça, c'est cassé instantanément. Il y a trop même pas besoin, par des robots, pas par des gens, hein, par des robots, c'est-à-dire des programmes qui se baladent sur Internet et vont casser les mots de passe. C'est pour ça qu'il faut mettre des minuscules, des majuscules, chiffres. Faut jamais écrire un mot de passe soi-même. Il faut avoir un gestionnaire de mots de passe qui va contenir, moi par exemple, j'ai un gestionnaire de mots de passe, je vais pas vous dire lequel, mais il y en a plein de biens, et je dois avoir 180 mots de passe pour 180 sites Internet, je n'en verrai jamais aucun. Je les fais engendrer automatiquement. Ce sont des caractères tirés au hasard. Je n'en verrai jamais aucun. Moi, je ne connais qu'un mot de passe, le mot de passe de mon coffre-fort à mot de passe. Et c'est indispensable de faire ça. Tout mot de passe que vous construisez vous-même a toutes les chances d'être grillé extrêmement rapidement. Mais on n'est vraiment pas forcé. Ça, c'est une éducation élémentaire. Grillé par un robot. Oui. Et alors, quelles sont les méthodes des hackers qui rentrent dans nos ordinateurs, qui rentrent dans les systèmes ? Alors, très souvent, ils regardent de façon très très précise les profondeurs des programmes, du code comme on dit. Ils regardent les profondeurs des programmes pour trouver les micro-erreurs qu'ils peuvent exploiter. Ça, c'est la méthode 1. La méthode 2, c'est de casser votre mot de passe qui ne vaut pas un clou. Mmh. Le nombre de gens dont vous recevez des mails disant « j'ai un problème de santé, mais mon téléphone ne marche plus », tout le monde reçoit ça, c'est juste que votre mot de passe vient d'être percé par un robot. Et même ceux qui ont lancé le robot ne le savent même pas, ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est de toucher les sous. Et les hackers peuvent injecter des codes malveillants dans votre ordinateur. Absolument, ils peuvent les injecter parce qu'une page web, par exemple, ça contient des programmes qui vont être exécutés par votre machine. À notre insu, parfois. Toujours à votre insu, vous ne savez pas. Mais c'est simple, dès qu'il se passe quelque chose dans une page web, c'est qu'il y a un programme qui l'a fait. Donc, dès que vous voyez votre écran bouger, c'est qu'il y a un programme qui tourne. Donc, normalement, les navigateurs, par exemple, comme ceux que vous utilisez, Firefox, Chrome ou n'importe quoi, ces navigateurs sont protégés. Mais ils sont pas non plus infaillibles, hein, parce que c'est des hommes qui les ont faits. Mais ils s'améliorent de jour en jour. Et voilà, il y a des programmes malicieux qui peuvent faire des mauvaises choses sur votre ordinateur. C'est vrai que vous avez une passion pour les bugs ? Oui, j'ai une passion pour les bugs, justement, parce que ce sont des erreurs humaines. Et que l'informatique, c'est un duel entre un homme et un ordinateur. L'homme, il est intelligent, il va pas vite, il se trompe beaucoup. L'ordinateur, le circuit, lui, il est complètement stupide, il ne fait que ce qu'on lui dit, il va extraordinairement vite. Et donc, la seule chose qu'on peut faire, nous, c'est transporter notre intelligence dans le circuit par des logiciels. Mais ces logiciels, c'est nous qui les écrivons. Et c'est très dur à faire, parce que quand j'enseignais aux petits dans une école Montessori, aux 6-9 ans, je leur disais, voilà, on va faire de l'informatique. Nous, on va essayer de faire des choses en étant aussi bête qu'un ordinateur. Et ce que me disaient les enfants, c'est, mais c'est trop difficile. Donc nous avons besoin de programmer une machine qui ne nous ressemble absolument pas. Et c'est une activité difficile. Donc on essaye de la faire de mieux en mieux, avec de meilleurs langages, de meilleures techniques de vérification. On peut faire des choses très remarquables, mais à un prix intellectuel assez élevé. Et vous parliez d'Alan Turing. Alan Turing, déjà en 1936, avait l'idée des codes informatiques. 14 août 2018, France Culture. Lettre d'Alan Turing à sa mère, envoyée de Princeton le 14 octobre 1936. Chère maman, tu m'as souvent demandé quelles étaient les applications possibles des diverses branches mathématiques. Je viens juste de découvrir une application possible de ce sur quoi je travaille en ce moment. Cela répond à la question « Quelle est la forme de code ou de chiffre la plus générale possible ?» Et cela me permet en même temps de concevoir toute une série de codes spécifiques vraiment intéressants. J'en ai un pratiquement impossible à déchiffrer sans la clé et très rapide à coder. Je voudrais bien pouvoir les faire parvenir au gouvernement de Sa Majesté contre une forme substantielle, mais je doute que ce soit très moral. C'est émouvant, hein ? Oui, mais Turing avait inventé énormément de choses. Par exemple, c'est le premier qui, dans une note très peu connue, avait dit en 1947, au moment où il commençait à programmer des ordinateurs, tester des programmes en les essayant sur des cas, c'est pas bien, c'est pas suffisant, il faut faire des mathématiques pour démontrer qu'ils sont corrects. Et ça, c'est les recherches qu'on fait en ce moment. Et par exemple, Xavier Leroy, nouveau professeur au Collège de France, vous explique comment il a fait un compilateur, c'est-à-dire un des objets fondamentaux de l'informatique, qui traduit le langage C de beaucoup plus haut niveau dans le langage de l'ordinateur, prouvé intégralement, mathématiquement, donc sans bug. Parce que ça coûte cher, les bugs. Les bugs coûtent extraordinairement cher. Ça peut coûter... Il y a des bugs qui ont coûté... Des bugs dans un système de CAO ont coûté $1 milliard à Intel parce qu'il y a un transistor qui était mal calculé dans un circuit. Des bugs, ça peut être extrêmement cher, ça peut aussi tuer des gens. Hein. Les pacemakers et les pompes à insuline, qui sont des objets très précieux, et ben les chercheurs en sécurité ont montré que c'était très facile de prendre le pouvoir dessus de l'extérieur. On écoute Clara Luciani, Bovary. Je sais pas si je suis encore vivante. Sinon, quelle est cette douleur qui me hante? Mon corps se balance au-dessus d'une mer immense, mais je m'accroche, j'avoue. Il ne me reste plus que quelques souvenirs d'enfance qui déjà deviennent flous. Avec du silicium et du code, les machines semblent aujourd'hui capables de tout faire. Conduire des voitures, analyser des textes, reconnaître des émotions. Elles peuvent apprendre à apprendre. On appelle ces capacités intelligence artificielle. Gérard Berry, chercheur en informatique, aime rappeler que ces ordinateurs sont des machines ultra rapides et obéissantes, mais qu'elles sont aussi d'une grande stupidité. Il pense qu'il est difficile de parler d'intelligence artificielle. Le mot intelligence artificielle est juste en tant que sujet de recherche profond, c'est-à-dire d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça voudrait dire de fabriquer des machines intelligentes. Sachant qu'on ne sait pas ce que veut dire le mot intelligent, donc en tant que quête, c'est un sujet réel. En tant que résultat actuel, il y a des sujets qui sont dans ce domaine qui ont fonctionné très bien et d'autres pas du tout. Et donc un qui fonctionne bien à l'heure actuelle, ça s'appelle l'apprentissage machine, l'apprentissage profond. Le mot précis, c'est apprentissage par réseau de neurones profonds, qui sont des systèmes de neurones artificiels connectés dans beaucoup de couches qui vont calculer des abstractions. On ne sait pas trop comment, mais ça marche bien. C'est ça qui permet de traduire les langues de façon devenue impressionnante, alors qu'avant, ça c'était assez balbutiant, de reconnaître la parole de façon absolument remarquable, de fabriquer des locuteurs artificiels qui sont indissociables des humains. Ça a fait des progrès absolument cosmiques. J'ai fait un congrès le 23 avril sur l'intelligence artificielle et la détection des tumeurs, par exemple, en radiologie ou d'autres choses. Ça fait des choses formidables. Ceci dit, c'est pas magique d'une part, c'est pas facile d'autre part, et puis ça s'applique pas nécessairement à tout. Il faut avoir beaucoup de données, et beaucoup de données à l'heure actuelle annotées par les hommes, c'est-à-dire on dit là il y a un chat, là il y a un chien, etc., pour entraîner ces systèmes. C'est à l'échelle des centaines de milliers ou de millions de données annotées. On cherche aussi des choses, par exemple un bébé marche pas comme ça, un bébé il fait ce qu'on appelle de l'apprentissage auto-supervisé, c'est-à-dire il essaye énormément, il observe beaucoup, il essaye énormément de choses avec ses mains, il fait tomber des trucs pour apprendre le monde. Et il travaille énormément avec énormément de retours, donc on sait pas encore faire ça. Donc un ordinateur ne fait pas ça. Un ordinateur ne fait, c'est pas l'ordinateur qui travaille, c'est le logiciel. L'ordinateur, il ne fait que calculer à toute allure. Il fait que des additions et des multiplications, l'ordinateur. Les logiciels que les hommes ont mis à l'intérieur savent pas encore. On est très, très, très, très, très loin du petit bébé. Par contre, on est très loin de ce qu'on pensait qu'on saurait faire. Mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, on fait des choses bien mieux dans certains domaines que ce qu'on pensait possible. Donc, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est une science. C'est une science très expérimentale aujourd'hui. Stéphane Malin, au Collège de France, essaye de comprendre pourquoi ça marche. On ne sait pas, mais je trouve ça extraordinaire de faire des choses qui marchent aussi bien sans qu'on sache pourquoi. Par exemple, on va analyser des images qui contiennent chacune 1 million de pixels, 1 million de points, qui sont 3, ça fait 3 millions de nombres. Et pour analyser, on va avoir, mettons, 100 millions de coefficients de variables à l'intérieur de la machine qui, au début, sont mises aléatoires, au hasard, et qu'on va entraîner, qu'on va faire bouger petit à petit par de l'apprentissage sur les données annotées. C'est comme ça que ça marche. Ou alors, pour le jeu de Go, ça marche autrement. Ça marche par le fait qu'on va jouer des parties au hasard et puis on va dire « Ah ben celle-là, on a gagné ou on a perdu ». Donc ça, c'est un cas emblématique. Le Go, bien sûr, qui a fait la une de tous les journaux. Mmh. Mais il faut se rappeler que dans la vie courante, les choses qu'on gagne ou qu'on perd, il n'y en a pas des masses. Hein. C'est plutôt flou en général. Donc l'autre apprentissage est beaucoup plus pour les choses floues. Les deux se complètent. Voilà, donc on va entraîner ces millions et millions de coefficients qui vont tous bouger, mais on ne sait pas dire pourquoi ils se mettent à des valeurs qui se mettent à marcher. Et donc, des mathématiciens comme Stéphane Malin s'intéressent vraiment à essayer de comprendre ça, mais ça va mettre longtemps. 25 juin 1972, Walter Rosenblit, recteur du MIT. J'aime pas beaucoup le terme intelligence artificielle, parce que je ne crois pas que le produit du cerveau humain soit artificiel. En ce qui me concerne, je crois que ces machines-là sont en train de donner à l'être humain une dimension d'intelligence qu'il n'avait pas avant. Aujourd'hui, grâce au cerveau humain, grâce aux outils, aux machines que l'homme a créées, nous sommes arrivés à un stade de l'évolution où, dans une certaine mesure, ça a été externalisé. Extériorisé. Ce stade de l'évolution, ce n'est pas l'homme contre la machine, mais c'est l'homme et la machine. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense de beaucoup de bien. C'est-à-dire que, par exemple, l'homme et la machine, c'est Wikipédia. Wikipédia ou Internet ou les moteurs de recherche, c'est l'homme et la machine. Mais personne n'appelle ça intelligence artificielle, ce qui est assez rigolo, parce que c'est l'homme et la machine. Les systèmes d'apprentissage actuels, c'est aussi l'homme et la machine. Par exemple, détecter des tumeurs ou détecter des mélanomes, on sait qu'à partir d'une photo, on peut le faire éventuellement mieux que des dermatologues. Mais ça va pas détruire les dermatologues, parce que le dermatologue, il a quelque chose d'autre, il a un pifomètre. Il s'intéresse à la personnalité des gens qu'il a en face. Le système qui vous analyse la photo, il s'intéresse pas à votre personnalité. Moi, je vais pas voir un médecin mécanique, je vais voir un médecin qui cherche à comprendre qui je suis et comment je fonctionne. Donc, oui, c'est l'intelligence augmentée, IA, en tant qu'intelligence augmentée, ça a vraiment du sens. 8 février 1974, France Culture, des collégiens de Nanterre répondent à la question « Qu'est-ce qu'un ordinateur ?» Ça aide à l'homme à aller plus vite. C'est le progrès, quoi. C'est une sorte d'encyclopédie, une énorme encyclopédie, une sorte de livre d'histoire, de calculatrice, du moins toute la mémoire électronique de l'homme qui l'a construit. C'est une grosse machine qui peut être petite et qui répond aux questions difficiles à l'homme sans se fatiguer en touchant des boutons. C'est pas trop fatigant. C'est une grosse machine électronique avec des mémoires qui répond à toutes les questions de l'homme et qui peut aider l'homme dans les tâches intellectuelles. En répondant grâce à ses mémoires, mais ne peut pas inventer. C'était il y a 45 ans. Ben, c'est resté un peu comme ça, sauf que la question qui reste toujours, c'est est-ce qu'il peut inventer ? Pour l'instant, c'est non. Mais il n'est pas du tout exclu que ce soit possible un jour, mais il ne faut pas prévoir ce jour. Et là, il va falloir beaucoup de révolutions intellectuelles hein, pour arriver à faire ça. Un des grands changements du monde, c'est le changement des générations. J'ai cet exemple que je cite souvent, qui est majeur. C'est une petite fille de 10 ans qui demande à sa mère « Maman, il y a un truc que je comprends pas. Tu m'as dit que quand tu étais petite, tu n'avais pas d'ordinateur. Mm-hmm. Alors comment est-ce que tu faisais pour aller sur Internet ?» Et cet exemple est magique parce qu'il explique que pour les enfants, Internet, ça n'est qu'une partie de la nature. Au milieu du reste de la nature, quoi. La mer, les oiseaux, etc. Il y a Internet. Alors que pour les anciens, c'est quelque chose qui est arrivé de façon un peu... ils n'ont pas trop aimé, en général, d'ailleurs. Donc ça va changer le monde totalement. C'est-à-dire, le changement de génération, il est évident qu'il change le monde totalement. Ça s'est déjà vu à plusieurs reprises. On l'a vu avec des phénomènes plus restreints, comme le congélateur dans les campagnes, qui a été rejeté instantanément, massivement, et maintenant, il y en a plein partout. Mais là, c'est la taille au-dessus. Donc, je pense que c'est ça qui va changer. Et alors, la puissance d'invention des jeunes de maintenant, je ne m'avancerai pas. Je pense qu'elle sera très grande, mais où elle ira, ça, je laisse faire. Hein. Il y a quand même des évolutions certaines dans la médecine, l'environnement, les transports. Et puis, il y a des évolutions qui sont moins certaines, mais vous dites quand même que la célèbre loi de Moore, on arrive au bout. La loi de Moore ralentit. La loi de Moore qui dit que le nombre de composants qu'on peut mettre dans un centimètre carré de silicium va doubler tous les 2 ans. On en est quand même à 20 milliards maintenant, on est parti de 2000 au début. Hein. Cette loi ralentit. Mais c'est pas forcément extraordinairement gênant, parce qu'on a quand même beaucoup de puissance, et surtout, un ordinateur, ça n'existe plus. Il y a des milliards d'ordinateurs sur la Terre, et on les fait travailler ensemble. Donc ça, c'est un changement qu'on est très loin de commencer à exploiter. On en est très loin, c'est-à-dire que le nombre va remplacer la puissance. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est ce qu'on appelle l'informatique distribuée. C'est difficile, mais le potentiel est gigantesque. Et ça, c'est une avancée majeure qui va forcément se produire. Pas facilement, parce que la science en est dure. Est-ce qu'on peut imaginer à quoi ressembleront les machines du futur ? Vous dites, les ordinateurs sont partout. Est-ce que c'est la fin, par exemple, des ordinateurs domestiques ? Les ordinateurs domestiques sont en régression depuis pas mal de temps, sauf pour les gens qui en ont besoin pour travailler, comme moi. Parce que, ben, après tout, un téléphone, une tablette, enfin, les ordinateurs sont de plus en plus variés. Les grosses fermes de calcul, avec des centaines de milliers ou des millions de machines qui sont mises au pôle Nord, ou, enfin, pas au pôle Nord, au Spitzberg, ou etc. Parce que comme ça, il n'y a pas besoin de les refroidir. Les toutes petites machines qu'on a dans la poche, les machines moyennes, je pense que c'est, il y a encore des choses à attendre au niveau interface homme-machine. La plus grande révolution, ça a quand même été l'introduction du tactile. Donc c'est surtout ce qui va changer, c'est la façon dont nous servons des ordinateurs. Le fait d'avoir des interactions vocales, des interactions par l'image, etc., ça change beaucoup. Et quelle est l'invention que vous aimeriez voir ? J'ai envie d'être surpris. Ça m'est déjà arrivé pas mal de fois. Le moteur de recherche, il se trouve que j'habitais chez son auteur à un moment, en 1995, à Palo Alto, et qu'il me racontait ce qu'il faisait, et que je lui ai dit « mais t'es sûr que ça sert à quelque chose ?» Bon, c'est pas ma grande fierté, mais en même temps, je suis très content de ne pas avoir compris. Et il va y en avoir des surprises. Bien sûr. On est au début de l'histoire. « Gérard Berrier, l'auteur de L'hyperpuissance de l'informatique, paru chez Odile Jacob. Mais vous pouvez aussi réécouter, Gérard Berrier, cette émission, comme toutes celles passées et à venir de cette série des Saventuriers, est disponible en podcast sur franceinter.fr. Stéphanie Texier réalise Les Saventuriers avec Rebecca de Nantes. La programmation musicale est signée Djoubaka, à la documentation musicale Romain Couturier. Au programme la semaine prochaine, l'avenir des grands singes avec la primatologue Sabrina Krief et l'avenir des hommes grâce aux études qui sont menées sur les animaux sociaux avec Guy Thérolaz. Vous ne le savez peut-être pas, mais on téléphone grâce aux fourmis. Très bonne fin de journée sur France Inter. Dans un instant, vous retrouverez Jean-Claude Amezen. À la semaine prochaine.